السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وشكرا الله عز وجل، نواصل إن شاء الله قراءة وترجمة كتاب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، الملخص في شرح كتاب التوحيد، le résumé explicatif du livre de l'unicité de الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. On est arrivé après avoir lu la partie du chapitre où Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala il explique la parole de Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala wa qawli ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawlihi ta'ala ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi al-aya. On est arrivé ensuite au hadith de Anas qu'on avait traduit déjà. An Anasin anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi ووالده والناس أجمعين أخرجاه. On est arrivé à la partie qui nous concerne aujourd'hui, c'est page 253 du livre. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى il dit ولهما أي البخاري ومسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية أي للبخاري رحمه الله تعالى لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره أي إلى آخر الحديث. On traduit déjà cette partie de l'auteur de Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab رحمه الله تعالى lorsqu'il dit et d'après eux deux, et on va voir que c'est le Bukhari ou un muslim qu'il a dit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit trois. Ici, on va comprendre dans l'explication du shir qu'il faut traduire par trois caractéristiques. Trois caractéristiques. Thalat, khisal, shir al-Fawzan dit, hafidahullah, qui lorsqu'elles sont regroupées en un individu, il goûte la saveur de la foi à travers elles. Qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, soient plus aimés par lui que toute autre chose. Qu'il aime, donc c'était la première caractéristique. Qu'il aime une personne uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième caractéristique. La troisième, qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste être jeté en enfer. Et dans une autre version, nul d'entre vous ne trouvera la saveur de la foi tant qu'il... Et puis le prophète alayhi salam, il a rapporté les trois caractéristiques qu'on a déjà citées. Et donc ici, c'est pour ça que Cheikh al-Islam Mohammed al-Wahhab rahimahullah il dit ici il a akhirihi, ay il a akhiri al-hadith, c'est-à-dire jusqu'à la fin du hadith. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala jishrah lana dhalik qailan walahuma anha ay lil-Bukhari wa muslimin an anasin fad-damir ya'udu ila al-Bukhari wa muslim lahuma damir al-tathniya, ici le duel ici il revient qui al-Bukhari et مسلم عنه أي الضمير يعود إلى أنس رضي الله عنه أرضاه استدير وللبخاري ومسلم عن أنس et d'après eux deux c'est-à-dire البخاري ومسلم d'après la narration du noble compagnon أنس رضي الله عنه أرضاه ثلاث من كنا فيه أي ثلاث خصال من وجدنا فيه وجاز الابتداء بثلاث. C'est une fa'ida dans la langue arabe ici que le cheikh il donne par rapport à ce hadith. Il dit وجاز الابتداء بثلاث وإن كانت نكرة لأنها علنية الإضافة أي ثلاث خصال أي ثلاث خصال. Donc ثلاث من كنا فيه trois entre parenthèses on a traduit par caractéristique. Et je rappelle encore une fois que les traductions doivent toujours se baser sur l'explication des gens de science. Et ça ne doit pas être des traductions littérales, mais des traductions basées, traductions techniques basées sur l'explication des ulama. Trois caractéristiques qui, lorsqu'elles se trouvent, ces trois caractéristiques en un individu, c'est-à-dire, ici en arabe, thalathun, c'est une nakira, c'est un indéfini. Et Cheikh, il dit, trois caractéristiques qui, lorsqu'elles se trouvent en un individu, il est permis de commencer la phrase nominale par le mubtada ici. Thalathun, et ce même si c'est un indéfini. Pourquoi ? Car c'est avec une intention d'affixation, c'est-à-dire une idafa. Vous connaissez tous le mudaf, mudaf ilayh, non hein? La fixation, mudaf, mudaf ilayh, thalathu khisalin. Hein? Par exemple, un autre exemple de mudaf ilayh, baytullahi, rasulullahi, etc. C'est juste pour vous clarifier un peu qu'est-ce que c'est, mais évidemment la traduction de ce genre de terme est toujours délicate et toujours approximative pour juste vous faire comprendre un peu ce qu'a voulu dire le cheikh ici, mais la base c'est la langue arabe. Et donc le cheikh il dit c'est autorisé, et ce même si c'est un indéfini, pourquoi? Car c'est avec biniyat l'idafa, il a dit parce que c'est avec une intention d'affixation de l'idafa, comme il expliquait ici cheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala. وجد بهن حلاوة الإيمان لما يحصل له من لذة القلب ونعيمه وسروره وجد بهن حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان سندخل مضاف مضاف إليه goûtera à travers elle, c'est-à-dire les trois caractéristiques qu'on a citées dans le hadith ici, la saveur de la foi. En raison de ce qu'il obtiendra comme délice du cœur et son bonheur et sa joie. أحب إليه منصوب على أنه خبر يكون. Encore une fois, très difficile à traduire en français, mais on peut expliquer ça en disant que plus aimé par lui, il est à l'accusatif, ce qu'on appelle souvent les termes de grammaire en arabe, ils sont tirés dans la nomenclature du latin. Hein? Le mansoub, c'est l'accusatif. Pour ceux qui ont fait du latin comme moi, ils comprendront. Pour ceux qui n'ont pas fait, hein, c'est à l'époque du bac, il y a plus de. Hein? Je suis vieux maintenant, mais c'est pas grave. On va traduire ça nous par l'accusatif, mais qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est ahabba, le fatha. Ici, c'est un dalil, c'est quoi? C'est alamat nazb, c'est le fatha ici. Ahabba ilih. Pourquoi c'est mansoub? Parce que c'est khabar yakouni. Vous savez que khabar, le kana, ou akhawatuha, hein? Qu'est-ce que ça fait? Tansibou, khabaraha. D'accord? Donc ici, c'est le khabar yakouna qui doit être mansoub, tout simplement, en résumé du, hein, en français. Donc mansoub ici, ahabba ilay. C'est pour ça que ce n'est pas ahabbu ilay. Hein, parce que la base dans les noms, c'est quoi? C'est rafa. Hein, c'est le nominatif, on dit, c'est-à-dire c'est où. Vraiment, de manière très basique, c'est où. Mais ici, il y a un a, ça change en a, c'est pour une raison de grammaire, qui est que ce khabar yakouna. Et encore une fois, on profite de l'occasion de rappeler à nos frères, et à nos sœurs aussi, d'étudier la langue arabe. L'Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a dit « Alaykum l'arabiyati fa'innaha min dinikum » Apprenez, hein, alaykum, c'est une notion d'obligation. Apprenez la langue arabe parce qu'elle fait certes partie de votre religion. Et l'individu, quand il apprend la langue arabe et qu'il commence à lire les livres des savants, et écouter les audios des savants, etc., évidemment, il va arriver à un autre degré de compréhension dans sa religion. Et donc, bidnillah ta'ala, un autre degré de pratique de sa religion, un autre degré de certitude dans sa religion, un autre degré de foi, un autre degré de connaissance dans l'aqida, une autre profondeur si vous voulez. Et ça c'est très très important. En sachant que la langue arabe en elle-même est très agréable à apprendre. D'accord? Et qu'il ne faut pas se laisser avoir par les difficultés du débutant. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il a très bien expliqué ça dans une image qu'il a donnée. Dans le Sharh al-Ajroumiyya, il a dit que c'est quoi? Il a dit c'est Muthila bi bayti min qasab, il a dit comme ça le cheikh. Hein? Wa babuhu min hadid. Il a dit c'est comme une demeure, une maison, une cabane qui est faite d'osier, la langue arabe, la grammaire, dont la porte est en fer. C'est-à-dire que le début il est difficile. Quand tu rentres, ça peut paraître difficile, mais après tout se facilite. Wa innama al-ilmu bi ta'allum wa al-hilmu bi tahallum. Yani quelqu'un ne peut pas apprendre sans apprendre. Pas possible, hein? C'est vrai, c'est logique, tout le monde on le sait, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on s'assoit? Et ça rejoint une discussion que j'avais avec quelqu'un aujourd'hui sur la manière d'apprendre l'arabe, etc. Il disait qu'il y a un moment où il faut donner du temps, d'accord? Et la personne me demandait comment moi j'ai appris l'arabe, etc. Moi j'ai appris quand j'étais dans une école libyenne en Belgique, quand j'étais adolescent, j'ai appris les bases, mais après ça m'a donné juste les bases. Après j'ai dû apprendre moi-même pour approfondir la langue arabe, etc. Mais c'était un amour qui faisait que. À titre d'exemple, pour motiver, même s'il y a des frères qui font beaucoup plus, mais parce qu'on était faible dans la langue arabe, je devais faire 3, 4, 5, 6 heures par jour de langue arabe. Et sarahatan, c'est quelque chose qui n'était pas difficile. Hein? Parce que le plaisir était là. Le plaisir d'apprendre, parce que c'est une langue agréable à apprendre. Hein? Moi, je suis linguiste de formation et je connais plusieurs langues. Je vous assure que la langue arabe, elle est vraiment particulière. Elle est vraiment particulière dans sa grammaire, dans sa profondeur, dans sa prose, dans toutes les sciences de la langue arabe, etc. Et dans son plaisir qu'on a à l'apprendre, et dans le plaisir qu'on a à la lire, et dans le plaisir qu'on a à l'entendre. Hein? Et c'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jal a révélé le Coran en langue arabe. Donc ça, c'est encore une fois, c'est tous ces termes-là, etc., pour les frères qui ont fait des cours d'arabe ou pour ceux qui ont fini l'ajroumi avec moi ici, ils comprennent ce genre de termes-là et c'est facile pour eux de comprendre directement. Même si peut-être le cheikh ne l'avait pas dit, ils l'auraient vu eux-mêmes dans le hadith, ils auraient, de manière automatique, ils auraient vu ce genre de règles, etc., parce qu'ils ont appris ces règles-là. Et donc ça permet de comprendre les paroles de savants, justement comme celle-ci et autres. On ferme cette parenthèse, mais c'est pour dire qu'il faut apprendre la langue arabe, il faut s'y mettre. Et alhamdoulilah, peut-être que c'est difficile au début, mais après, allez, c'est Allah le muwaffiq, c'est Allah Azul qui donne tawfiq. Alhamdoulilah, beaucoup d'exemples parmi nos frères, certains qui sont convertis, yani qui n'avaient aucun lien de, ni de près ni de loin avec la langue arabe, et qui sont des arabophones d'un très bon niveau pour le. Yani, alhamdoulilah, et qui, même pour certains, arrivent au niveau où ils peuvent enseigner à leurs frères, où ils peuvent sont indépendants dans leur lecture, ils sont indépendants dans leur dialogue, ils sont indépendants dans le fait de parler avec les savants, etc. Et c'est à ça qu'on devrait tendre tous. Donc on ferme cette parenthèse et on revient à la parole de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Et on a dit que Ahabba ilayhi, il a expliqué que c'était Mansoub, Ahabba ilayhi, plus aimé par lui. Et puis il explique le terme du hadith, La yuhibbuhu illa lillah. La yuhibbuhu illa lillah. Ça veut dire en raison de, yani, il ne l'aime que pour Allah. C'est-à-dire en raison de son obéissance à Allah. أي لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى نعم لا pas traduit ça نعم أحسنت donc on revient à un terme que j'ai oublié avant مما سواهما c'est vrai il a dit أحب إليه مما سواهما مما يحبه الإنسان بطبعه كالولد والأزواج ونحو ذلك يعني qu'il soit plus aimé par lui que tout autre que ces deux c'est-à-dire que tout autre qu'Allah et son messager d'accord. Et qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Al-Fawzan ici, Hafidhahullah? Il dit, mais ma yuhibbuhu al-insan, parmi les choses ou les gens que l'être humain il aime. Bitab'ihi, de manière naturelle. Comme qui? Il dit, kal-waladi, comme l'enfant. Wal-azwadi, et les époux, les épouses. Onahwi dhalik, etc. Ce sont des gens que l'individu aime de manière naturelle. C'est inné cet amour pour les proches. D'accord? أن يحب المرأة الذي يعتقد إيمانه عبادته. Celui-là aussi, on ne l'a pas traduit. Donc, أن يحب المرأة. المرأة, c'est l'individu. Donc, il aime l'individu. الذي يعتقد إيمانه عبادته. Dont il croit, yani, qu'il a la foi et qu'il a une adoration. لا يحبه إلا لله. On revient à ce terme-là. Il ne l'aime que pour Allah, c'est-à-dire en raison de son obéissance à Allah et pas pour une autre raison. Et ça, on va voir que c'est très très important. Et on va peut-être faire une petite parenthèse par rapport à ça aussi, parce que c'est malheureusement quelque chose qui manque à beaucoup de nos frères et à beaucoup de nos sœurs. C'est que justement cet amour soit vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ça découle beaucoup de choses. Adnya'ouda fil kufr. Qu'il retourne à la mécréance ou dans la mécréance, c'est-à-dire en raison, c'est-à-dire de retourner à la mécréance. Donc Cheikh il dit ici, an ya'ouda fil kufr, ay yarji'a ilayhi, ila al kufr, vers la mécréance. Kama yakrahu an yulqa fil nar, ya'ni yastawi 'indahu al amran, al ilqa'u fil nar aw al 'audatu fil kufr. Kama yakrahu an yulqa fil nar, c'est-à-dire que les deux sont pour lui au même niveau, être jeté en enfer ou retourner à la mécréance. Et dans une autre version, c'est ça qu'il faut comprendre aussi ici. Et il Bukhari, comme j'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, dans une autre version, c'est-à-dire chez Al-Bukhari. Le sens général du hadith, Al-Ma'na al-Ijmali al-Hadith, le hadith d'Anas rapporté par le Bukhari au Muslim, et puis il a rapporté une autre version de Muslim. يخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توفرت فيه ثلاث خصال هي تقديم محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما من أهل ومال يحب ويحب من يحبه من الناس من أجل إيمانه وطاعته لله لا لغرض دنيوي ويكره الكفر كراهية متناهية بحيث يستوي عنده الإلقاء في النار والرجوع إليه من توفرت هذه الخصال الثلاث فيه ذاق حلاوة الإيمان فيستلذ الطاعات ويتحمل المشقات في رضا الله سبحانه وتعالى. Le sens général du hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informe que le musulman, si trois caractéristiques sont réunies en lui, qui sont, c'est quoi les trois caractéristiques? Faire passer l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam avant l'amour de qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre. Parmi les membres de la famille et les biens. Et donc, a priori, et encore plus autre que ces catégories-là. Hein? D'aimer ceux qu'il aime parmi les gens en raison de leur foi et de leur obéissance à Allah. Non pas pour un but parmi les affaires mondaines. De détester la mécréance d'une détestation infinie, à tel point que pour lui être jeté en enfer équivaut à retourner à la mécréance. Celui qui regroupe ces trois caractéristiques goûtera la saveur de la foi et donc il savourera les délices des actes d'obéissance à Allah et supportera les difficultés rencontrées dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rapport entre le hadith et le chapitre. أن فيه فضيلة تقديم محبة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith le mérite de faire passer l'amour d'Allah et de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant l'amour de toute autre chose ou personne. Les enseignements tirés du hadith. ما يستفاد من الحديث. أولا فضيلة تقديم محبة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على كل شيء. Premier enseignement tiré de ce hadith, le mérite de faire passer l'amour d'Allah et de son messager Muhammad صلى الله عليه وسلم avant toute chose. Deuxième enseignement, فضيلة المحبة في الله, le mérite d'aimer en Allah. Troisième enseignement, أن المؤمنين يحبون الله تعالى محبةً خالصةً. Les croyants aiment Allah le Très-Haut d'un amour sincère. Rabi'an, quatrième enseignement, أن من اتصف بهذه الخصال الثلاث فهو أفضل ممن لم يتصف بها ولو كان المتصف بها كافراً. كافراً منصوب parce que خبر كان aussi, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. فأسلم أو كان مذنباً فتاب من ذنبه. Si c'est un point important aussi, quiconque possède ces trois caractéristiques sera meilleur que celui qui ne les possède pas. Et ce même si celui qui les possède était mécréant auparavant puis se convertit à l'islam. Ou était pécheur puis se repentit de ses péchés. Cinquième enseignement, « Mashru'iyatu bourdil kufri wal kafirin li'anna man abghada shay'an abghada man ittasafa bih. » Le caractère légiféré de détester la mécréance et les mécréants. Car celui qui déteste une caractéristique déteste ceux qui en sont dotés. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, on continue dans le matin. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, قال, من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب من سورة البقرة قال رضي الله عنهما المودة. Point très important dans la Aqida ici, l'auteur Khalif Ibn Zuhurd, il dit, et d'après Ibn Abbas, le fils d'Abbas, c'est pour ça que quand on dit An Ibn Abbas, on dit Radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous les deux, parce que ça revient à Ibn Abbas, Abdullah, et à son père, qui est Abbas, hein, Abdullah Ibn Abbas. Quiconque aime pour Allah et déteste pour Allah et s'allie pour Allah et se fait l'ennemi d'autrui pour Allah. L'alliance d'Allah ne s'obtient que par cela. Et un serviteur ne trouvera la saveur de la foi, et ce même si ses prières et son jeûne sont nombreux, tant qu'il ne sera pas tel quel. Et la fraternité et l'amour mutuel entre les gens sont devenus en majorité pour des affaires mondaines. Et cela ne leur sera utile en rien. Et ce atar du noble compagnon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il est rapporté par Ibn Jarir. Ibn Abbas a dit au sujet de la parole d'Allah, le Très-Haut, dans la traduction du sens est, et les liens entre eux seront bien brisés. Surat al-Baqarah, verset 166. Il dit l'affection. C'est l'affection entre eux sera brisée. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire ce hadith, ce athar, pardon, très très important. Et regardez la compréhension des compagnons, ridhwanullah alayhim, et de ce noble compagnon qui fait partie des plus savants des compagnons, Habr al-Umma. Et je vous rappelle que Habr, ça a les mêmes, règles que, les mêmes lettres que Bahar, océan. Ibn Abbas, c'est un océan dans la science. Et le prophète, alayhi, il a fait une doua pour lui. Hein? Il a dit, Allahumma faqih fi din wa alimu ilm al-ta'wil. Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion. Imagine une doua du prophète, alayhi. Il a dit qu'il lui fasse comprendre la religion et qu'il lui apprenne la science d'exégèse du Coran. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle Abdullah ibn Abbas comment ? Tourjouman al-Qur'an, l'exégète du Coran. Qu'est-ce qu'il dit ce noble compagnon ? Il dit, on répète pour son importance, quiconque aime pour Allah et déteste pour Allah et s'allie pour Allah et se fait l'ennemi d'autrui pour Allah, l'alliance d'Allah ne s'obtient que par cela. Et un serviteur ne trouvera la saveur de la foi, et ce même si ses prières et son jeûne sont nombreux, tant qu'il ne sera pas tel quel. Et la fraternité et l'amour mutuel entre les gens sont devenus en majorité pour des affaires mondaines. Et cela ne leur sera utile en rien. Ibn Abbas, il a dit ça à son époque, radiallahu anhu, radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Quand il a dit, et la fraternité et l'amour mutuel entre les gens sont devenus en majorité pour des affaires mondaines. Et ça, c'est important pour nous, parce que nous qui nous disons salafiyoun, suiveurs de salaf salih, pour qu'on remette les choses à l'heure, qu'on remette la pendule à l'heure. Et tel doit être le salafi. Nous tous, il faut toujours, constamment se remettre en question. Notamment et surtout dans la croyance. Parce que c'est la base. Et aussi dans nos mu'amalat avec les gens. Parce qu'il se peut que des fois on n'ait pas la bonne balance, on n'ait pas le bon équilibre. Comment est-ce qu'on fréquente les gens? Comment on se comporte avec les gens? Et pourquoi on fréquente ces gens? Et pourquoi on se comporte de telle manière avec ces gens? Est-ce que c'est vraiment ce que notre religion demande? Ou est-ce qu'on suit nos passions, nos désirs? Très très important. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il explique cela en disant « Man ahabba fillah, ay ahabba al-mu'minina min ajli imanihim billah. » Man ahabba fillah, quiconque aime pour Allah, c'est-à-dire aime les croyants en raison de leur foi en Allah. Wa wala fillah, ay وَلَا الْمُؤْمِنِينَ بِنُصْرَتِهِمْ وَاحْتِرَامِهِمْ وَإِكْرَامِهِمْ. Et s'allie pour Allah, c'est-à-dire, et s'allie aux croyants, en les secourant, et en les respectant, et en les honorant. وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ أَيْ أَبْغَضَ الْكُفَّارَ وَالْفَاسِقِينَ لِمُخَالَفَتِهِمْ لِرَبِّهِمْ. Et déteste pour Allah, c'est-à-dire déteste les mécréants et les pervers en raison de leur transgression envers leur Seigneur. Et vous voyez comment en islam, tout a sa juste place et sa juste raison. وَعَادَا فِي اللَّهِ أَيْ أَظْهَرَ الْعَدَاوَةَ لِلْكُفَّارِ بِالْفِعْلِ كَجِهَادِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ. وَعَادَا فِي اللَّهِ, et se fait l'ennemi d'autrui pour Allah, c'est-à-dire montre l'inimitié aux mécréants par les actes, comme leur djihad. Et les chers ici, ils parlent évidemment du noble djihad légiféré et pas du pseudo-djihad pratiqué par les khawarij. Hein, comme Daesh, Al-Qaïda et Boko Haram, etc., qui est en réalité du terrorisme et de l'extrémisme. Et le fait d'innocenter deux, Cheikh Al-Fawzan, il dit Walayatullahi, walayatullahi, bifatih al-waw, walaya, walaya, tawallihi li'abdihi bin nusrati wal-mahabba. L'alliance d'Allah avec une fatha sur le waw, l'alliance d'Allah pour son serviteur en le rendant victorieux et en l'aimant. Et je vous rappelle. Qu'on va le voir dans un instant, que parmi les aqidat al-sunnah al-jama'a, c'est que Allah yuhib wa yuhab. Hein? Allah aime et il est aimé. Ta'amu l'iman, dhouq l'iman wa laddatuhu wa l'farahu bih. Ta'amu l'iman, la saveur de la foi, c'est-à-dire le goût de la foi et sa saveur et la joie qui en résulte. Mu'akhatun nasi ta'akhihim wa mahabbatu ba'dihim li ba'd. Mu'akhatun nasi, c'est-à-dire la fraternité et l'amour entre eux, les uns pour les autres, entre les gens, les uns pour les autres. 'Ala amri ad-dunya, ay li ajli ad-dunya fa ahabbuha wa ahabbu li ajliha. 'Ala amri ad-dunya, pour des affaires mondaines, c'est-à-dire pour ce bas monde. Ils l'ont donc aimé, ce bas monde, et ont aimé en fonction de ce bas monde. Alors, encore une fois, dans notre tête, la balance, sur quoi toute personne, toute chose, comment est-ce qu'on se retrouve par rapport à ça ici? Parce que quand j'aime un frère, ou que je fréquente un frère, ou que, etc., hein, pour les sœurs, est-ce que je le fais par rapport à une hawa, par rapport à un désir, par rapport à un hobby, par rapport à un temps perdu, par rapport à... Hein, je n'ai pas envie de citer des choses parce qu'on ne va pas descendre le niveau, hein, d'accord, hein. Vous pouvez imaginer tant de choses que vous vous imaginez, d'accord, hein. Ou alors, est-ce que je l'aime parce que c'est quelqu'un qui me pousse à l'ibad d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui me fait le rappel, qui m'ordonne le bien, qui m'interdit le mal. Et pas que je le déteste parce qu'il m'interdit le mal, hein, et parce qu'il m'ordonne le bien. Et je vous rappelle toujours cette parole que je cite très souvent dans les cours de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, quand il a divisé dans Sharh Hilyata al-Bi'im, il a divisé les amis en trois catégories. L'ulama, ils te donnent le mode d'emploi. Mais si toi, tu ne lis pas le mode d'emploi, ou que si tu lis, tu l'oublies, tu ne le pratiques pas, ce n'est pas possible. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin, il dit que les amis sont en trois catégories. Il dit Sahibu Ladda, wa Sahibu Manfa'a, wa Sahibu Fadila. Ces trois-là. Sahibu Ladda, c'est ton compagnon de désir, de saveur, de délice, de plaisir, etc. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Il n'y a que des choses que toi tu aimes bien, etc., mais qui ne sont pas nécessairement bonnes pour toi dans la religion. Et d'ailleurs, si tu ne fréquentes pas ça avec lui, il ne te fréquente pas. Et c'est souvent la personne, par exemple, qui va t'appeler quand elle n'a rien à faire, et qu'elle va t'appeler à toi parce qu'elle sait que toi et lui, vous allez bien faire du temps ensemble. Vous allez bien faire des choses dans le hawa, bien. D'accord? Et on aimerait, personne d'entre nous n'aimerait être cette personne-là qu'on appelle pour ça. Ça, oh là là. Hein? Celui qu'on pense quand on veut perdre du temps, qu'on veut rien faire, qu'on veut des choses. Hein? À Hadak, je sais, je l'appelle 100%, il va répondre à Hadak. Hein? C'est vrai, oh là là. Personne d'entre nous n'aimerait cette personne-là qui est appelée. Et il a dit aussi, Sahibu, comment? Manfa'a. Encore un autre type. C'est le compagnon qui, lui, il a su parce qu'il a une maslaha en toi. Il sait que tu as une sœur qui n'est pas mariée, qui devient tout gentil avec toi, hein, il te fréquente, masha'Allah, c'est ton grand ami, etc., etc. Mais lui, il a un but, c'est quoi? C'est qu'il veut ta sœur. D'ailleurs, si tu lui dis, il te dit un jour, Akhi, tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, masha'Allah, on s'aime fil la azawajal, je sais que tu as une sœur, tu lui dis, non, Akhi, je ne peux pas. C'est fini. Hein? Là, il n'y a plus de tics sur WhatsApp, il n'y a plus rien, c'est fini, il n'y a plus de ça. Hein? Il ne te connaît plus. Ou bien il sait que tu as un commerce, ou le chéhaj, il maslaha, il a un madfa'a. D'accord? Il veut t'utiliser pour ça. Et il reste quoi? Ces deux catégories-là, il faut faire une croix dessus. Et il reste la troisième, et uniquement. C'est sahibu fadila. Le mérite, la vertu. Ton compagnon de vertu. Regardez le mot que Cheikh Al-Uthaymin a utilisé. Le fadila. Hein? Il a dit, Cheikh Al-Uthaymin l'a expliqué, rahimahullah, il a décrit en disant, الذي يحثك على الخير وينهاك عن الشر. Dit celui qui t'appelle au bien et qui t'interdit le mal. Et tous, nous tous, comment se comporte avec la personne qui nous interdit le mal? Si ce n'est souvent, wal'adu billah, hein, en n'acceptant pas et en nous éloignant de cette personne. Comme si c'était quelqu'un qui nous venait du mal alors que cette personne nous veut du bien. C'est ajib, hein? C'est les cœurs, c'est ça le problème. Et qui t'incite au bien. Qui te dit, Akhi, il y a un dars. Viens, on y va, viens, je passe te prendre, viens, on y va. Ou autre chose, ou la prière, ou toute autre chose qui est bonne, qui est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, qui t'envoie, quand il t'envoie des choses, il t'envoie des fawa'id. Il t'envoie des enseignements des ulama. Et il t'envoie des conseils, il t'envoie des nasa'ih. S'il voit en toi un défaut, bien sûr, avec la bonne manière, etc., mais il te le dit. Et d'ailleurs, même si tu ne le dis pas que la bonne manière, tu dois accepter de toute façon. C'est ça le vrai ami. C'est ça le vrai ami. Combien d'entre nous aiment ce genre de personnes? Allah azil tawfiq wa sadat. Et donc, on revient à ce qu'on disait ici, c'est-à-dire la fraternité et l'amour des uns pour les autres en fonction des affaires mondaines. La yujdi ala Allah, afwan, la yujdi ala ahlihi shay'an. Parce que je reviens en français, on retourne à l'arabe comme ça on n'oublie rien. On a dit ala amri dunya, si l'on l'a fait. On a dit wadalika ay al mu'akhatu ala amri dunya. Wadalika, c'est-à-dire la fraternité et l'amour des uns pour les autres en fonction des affaires mondaines. La yujdi ala ahlihi shay'a, la yanfa'uhum aslan bal yadurruhum. Cela ne sera utile en rien pour ceux dont tel est le cas. Cela ne leur sera pas utile à la base, mais au contraire, cela leur nuit. Le sens général du athar. Al-ma'na al-ijmali lil-athar. Yahsur ibn Abbas, radiallahu anhuma, al-asbab allati tujibu mahabbat Allah li'abdih wa nusratihi lahu. Wa nusratahu. Il faut changer ici. C'est l'asbab allati tujibu mahabbat Allah li'abdihi wa nusratahu lah. C'est pas nusratihi. Fi mahabbati awliya'i Allahi. Fi mahabbati awliya'ihi wa bughdi a'da'ihi. Wa idhar hadhi al-mahabba wa hadhi al-adawa 'alaniyatan bi munasarati al-mu'minin wa muqata'ati al-mujrimin wa jihadihim. Wa yadhkuru annahu lan yadhuq al-iman wa yataladdada bi ta'mihi man la yattasif bi dhalik wa in kathurat 'ibadatuhu. Thumma yadhkuru ibn 'Abbas رضي الله عنهما أن هذه القضية قد انعكست في وقته فصار الناس يتحابون ويتباغضون يتباغضون من أجل الدنيا وهذا لا ينفعهم بل يضرهم. ثم فسر هذه الآية الكريمة وتقطعت بهم الأسباب بأن المراد بها أن المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم يوم القيامة وخانتهم أحوج ما كانوا إليها وتبرأ بعضهم من بعض لما كانت هذه المحبة في غير الله. Le sens général du athar. Ibn Abbas, le fils d'Abbas, car les agrès tous deux restreint les causes qui rendent obligatoire l'amour d'Allah envers son serviteur et son secours à son égard. Il restreint à l'amour envers les alliés d'Allah et la détestation de ses ennemis et la manifestation de cet amour et de cette inimitié ouvertement en secourant les croyants et en boycottant les criminels et en les combattant. Il dit que celui qui ne rassemble pas ces caractéristiques ne goûtera pas la foi et ne savourera pas ses délices, et ce même si ses actes d'adoration sont nombreux. Puis Ibn Abbas dit que cela est devenu le contraire à son époque et que donc les gens se sont mis à s'entraimer, à se détester mutuellement en fonction des affaires mondaines, et cela ne leur n'aurait utile en rien, mais au contraire, cela leur nuit. Puis il a expliqué le noble verset dont la traduction du sens est « et les liens entre eux seront brisés » sur Surat al-Baqarah, verset 166, en disant que le sens de ce verset est l'amour qu'il y avait entre eux dans ce bas monde s'est brisé entre eux le jour de la résurrection. Et cela leur fait défaut au moment où ils en ont le plus besoin. Et donc, ils s'innocentent les uns des autres, et ce, car cet amour était pour autre qu'Allah. مناسبة الأثر للباب. Le rapport entre le أثر ابن عباس رضي الله عنهما et le chapitre qu'on est en train d'étudier ici dans كتاب التوحيد. أن فيه أن حصول محبة الله لعبده ونصرته له مشروط بأمرين. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce أثر que l'obtention de l'amour d'Allah envers son serviteur et son secours envers lui sont conditionnées par deux choses. Alors qui d'entre nous ne voudrait pas l'amour d'Allah et son secours, mais c'est conditionné par deux choses. Et donc ici Charles Fozen il les cite, il dit la première c'est l'amour envers les alliés d'Allah, et on a défini dans de nombreux cours c'était quoi l'wali. Cheikh Islam Outaymi rahimahullah ta'ala il a dit kullu mu'minin taqi. Comme dans il a rapporté en Kitab al-Ubudiyya, il a cité comme preuve de cela le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc, allié, c'est tout croyant pieux. Et donc, l'amour envers les alliés d'Allah et la détestation de ses ennemis dans le cœur. La deuxième Thanihima, idharu mahabbati awliya illahi wa bourdi a'da'ihi bil fi'li من مناصرة أوليائه وجهاد أعدائه. La deuxième, la manifestation de l'amour envers les alliés d'Allah et de l'inimitié envers ses ennemis, par les actes comme secourir ses alliés et combattre ses ennemis. Évidemment, selon le fiqh des ulama enracinés dans la science, car c'est eux qui traitent de ce genre de sujets difficiles et de ce genre de sujets qui sont lourds de conséquences. ما يستفاد من الأثر, les enseignements tirés de ce أثر. أولا, بيان الأسباب التي تنال بها محبة الله لعبده ونصرته لعبده. La mise en évidence des causes par lesquelles on obtient l'amour d'Allah envers son serviteur et son secours envers son serviteur. Deuxième, وصف الله بالمحبة على ما يليق بجلاله. L'affirmation de l'attribut d'amour à Allah de la manière qui sied à sa majesté. Et donc, contrairement au Mubtadi'a, retenez cette phrase, nous on croit à Ahl-Sunnah al-Jama'a qu'en Allah yuhib wa yuhab. Il est aimé et il aime. D'accord? Troisièmement, mashru'iyatu wa fadilatu al-hubbi fi Allah wa al-bughdi fi Allah wa annahu la yughni anhuma kathratu al-a'mal as-salihah. Le caractère légiféré et le mérite d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et que les multiples actes vertueux ne peuvent se substituer à cela. Quatrième enseignement, mashru'iyatu munasarati al-mu'minin wa i'anatihim wa bughdi al-kafirin wa jihadihim. Le caractère légiféré de secourir les croyants et de les aider, de détester les mécréants et de les combattre. On a déjà expliqué ici par rapport au combat. Cinquièmement, bayanu thamarati al-hubb fillah wa al-bughd fillah min dhu qita' min al-iman wa taladdud bih. La mise en évidence du fruit de l'amour pour Allah et de la détestation pour Allah en termes de goûter la saveur de la foi et de savourer ses délices. Sixièmement, dhammul hubbi wal bughdi min ajli ad-dunya wa bayan su'i 'aqibatihi. Le blâme de l'amour et de la détestation en raison des affaires de ce bas monde et la mise en évidence de leurs mauvaises conséquences. Continuons encore un peu. Nouveau chapitre, bab. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. من سورة آل عمران. Chapitre de la parole d'Allah le Très-Haut dont la traduction du sens est: ce n'est que le diable, Satan, qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Sourate Ali Imran, verset 175. L'explication de Charles Fawzan, hafidhahullah ta'ala, مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب على وجوب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. Le rapport entre le chapitre et le livre de mixité dont ce chapitre fait partie est que comme la peur fait partie des genres d'actes d'adoration les plus génériques, les plus généraux, qui englobent le plus, qui doivent obligatoirement être voués de manière sincère à Allah le Très-Haut, l'auteur, rahimahullah, a attiré l'attention par ce chapitre sur l'obligation de l'avouer, la peur, de manière sincère à Allah seul. Innama adatu hasrin. Ce n'est que, c'est une particule de restriction en arabe. Adatu hasrin. Ash-shaytanu alamun ala iblis al-la'in. Ash-shaytan, le diable, Satan, c'est un nom propre d'Iblis, le maudit. Yukhawwifu awliya'ah. أي يخوفكم بأوليائه ويوهمكم أنهم ذوو بأس شديد. يخوف أولياءه, c'est-à-dire qu'il vous fait peur de ses alliés. Il vous fait percevoir qu'ils ont une grande puissance. فلا تخافوهم, أي لا تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم. Alors comment ça s'appelle ici en arabe ça? فلا تخافوهم. Qui sait dire comment ça s'appelle en arabe ça? Pas avoir peur de ce que quelqu'un pense connaître. Fala takhafu. Non? J'ai entendu quelque chose. Pour les frères qui ont fait de la grammaire, qui ont fait l'ajroumia ou qui ont fait du osul fiqh, etc., ça devrait être assez facile. C'est un nahi. Fala takhafu. C'est un nahi, une interdiction. Il dit fala takhafu. N'ayez donc pas peur d'eux. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de ses alliés par lesquels il vous a fait peur. Wakhafouni. Et ça, c'est quoi alors en arabe? Amr, un ordre. Hein? وخافوني, mais ayez peur de moi, et donc ne transgressez pas mon ordre. إن كنتم مؤمنين, si vous êtes croyants. Car la foi implique, comme dit Cheikh Fouzan ici, لأن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس. إن كنتم مؤمنين, si vous êtes croyants, car la foi implique que vous fassiez passer la peur envers Allah avant la peur envers les gens. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أن من كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لألا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر ونهانا أن نخافهم النهي كما جدي تتلغ وأمرنا أن نخافه وحده لأن هذا هو مقتضى الإيمان فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. Le sens général du verset. Cheikh Al-Fawzan, ce grand et noble savant, Hafidahullah Ta'ala, il explique ce verset en disant: Allah le Très-Haut informe que fait partie de la ruse de l'ennemi d'Allah, qu'il fait peur aux croyants par ses soldats et ses alliés, et ce afin qu'ils ne combattent pas, et qu'ils ne leur ordonnent pas le bien, et ne leur interdisent pas le mal. Et Allah nous a interdit d'avoir peur d'eux, et nous a ordonné d'avoir peur de lui seul. Car c'est cela que la foi implique. Et donc, autant la foi de l'individu est forte, autant la peur envers les alliés de Satan se dissipe de son cœur. Et autant la foi est faible, autant sa peur envers eux se fait forte. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن الخوف عبادة يجب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. Les enseignements tirés de ce verset, le premier, la peur est une adoration qu'il est obligatoire de vouer à Allah de manière sincère. ثانيا أن صرف الخوف لغير الله شرك كأن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره. Deuxième enseignement, vouer la peur à autre qu'Allah est une association à Allah, comme avoir peur d'autre qu'Allah comme une idole ou un taghout qu'il le touche parce qu'il déteste. On a déjà expliqué c'était quoi un taghout. ثالثا التحذير من كيد الشيطان. Troisième enseignement, la mise en garde contre la ruse de Satan. On continue dans le matn. يقول المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. L'auteur Caliphas Miséricorde il dit, et la parole d'Allah dans la traduction du sens est: parmi les gens il en est qui disent nous croyons en Allah, puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme le châtiment d'Allah. Jusqu'à la fin du verset de Sourate Al-Ankabut. Et on va terminer le verset dans un instant, Inch'Allah. Cheikh Al-Fawzan, justement, il explique en disant « Tamamul ayah ». C'est quoi la fin du verset? C'est « Wala in ja'a nasrum min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awa laysa Allahu bi'a'lam bima fi suduril alamin ». Ce dont la traduction du sens est, c'est-à-dire la fin du verset est ce dont la traduction du sens est. Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront certes, nous étions avec vous. Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Sourate Al-Ankabut, verset 10. Wa minan nas, ay ba'dun nas. Et parmi les gens, c'est-à-dire certains gens. Man yaqulu amanna billah, ay yad'i al-iman bilisanihi. Man yaqulu amanna billah, il en est qui disent nous croyons en Allah, c'est-à-dire qu'ils prétendent de leur langue avoir la foi. Oudiya fillah, ay li ajlillah jalla wa ala. C'est-à-dire oudiya fillah, il subit un préjudice, il subit un tort pour Allah le Très-Haut. Fitnat an-nas adahum wa nailahum iyyahu bil makruh. Fitnat an-nas, l'épreuve des gens, c'est-à-dire les préjudices et le mal par lesquels ils le touchent. Ka'adhab illah, أي جعل أذى الناس الذي يناله بسبب تمسكه بدينه كعذاب الله الذي يناله على ارتداده عن دينه ففر من ألم أذى الناس إلى ألم عذاب الله فارتد عن دينه والعياذ بالله. Parole est forte de Cheikh. Il dit كعذاب الله. Ils ont mis ça comme le عذاب d'Allah عز وجل, comme le châtiment d'Allah. Ils ont mis même niveau. C'est-à-dire qu'il rend au même titre les torts qu'il subit de la part des gens en raison de son attachement à la religion comme le châtiment d'Allah, que le toucherait s'il venait apostasier de sa religion. Et donc il fuit la douleur des torts qu'il subit de la part des gens vers la douleur du châtiment d'Allah. et donc apostasie sa religion. Nassr min rabbik fathun wa ghanima. Le secours de ton Seigneur, c'est-à-dire une victoire et un butin. Inna kunna ma'akum fi ad-dini fa'ashrikuna fi al-ghanima. Quand la victoire elle arrive aux croyants et le butin elle arrive aux croyants, là ils viennent, ils disent quoi? Ah, nous étions certes avec vous dans la religion et donc partagez avec nous le butin. Bima fi sudur al-alamin, bima fi qulubihim min al-iman wan-nifaq. Bima fi sudur al-alamin, ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde, ce qu'il y a dans leur cœur en termes de foi et d'hypocrisie. Le sens général du verset, le sens ijmali de l'aya. يخبر تعالى على عن الداخل في الإيمان بلا بصيرة أنه إذا أصابته محنة وأدى من الكفار جعل هذا الأدى الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. Très important de comprendre ça ici. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي ناله من أجله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون ففر من ألم عذاب أعداء الله في تركه دينه إلى عذاب الله فاستجار من الرمضاء بالنار وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق. Le sens général du verset. Allah le Très-Haut informe au sujet de celui qui entre dans la foi sans clairvoyance que lorsqu'il est touché par une épreuve et un tort, il rend ce tort, quel tort, qu'il doit obligatoirement toucher les messagers et leurs suiveurs de la part de leurs opposants. Ça, c'est très important de comprendre en tant que salafi. C'est qu'une fois que tu suis la voie des messagers, parce que nous, on n'est pas des messagers. Chéri, il a dit quoi ici? Ça doit, le tort, il doit obligatoirement toucher les messagers et leurs suiveurs. Nous, on n'est pas des messagers, mais on espère être leurs suiveurs. D'accord? Donc, obligatoirement, tu vas être touché par un tort. Chacun, il prend sa portion. Et donc, Cheikh Abdelzak Bad, il a une belle parole par rapport à ça. Il dit, on veut être les héritiers des prophètes, mais on ne veut pas prendre notre portion d'héritage en termes de préjudice et de tort subi. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'il faut nous mettre en tête, qu'obligatoirement on va subir des torts. Il faut le préparer à ça. Walakin, n'oublie pas la récompense, n'oublie pas le Jannah, n'oublie pas l'Akhira. C'est ça qui te pousse à quoi? À patienter. Et donc il dit ici qu'il doit obligatoirement toucher les messagers et leurs suiveurs de la part de leurs opposants. Et des fois même, tu vas subir des torts des gens qui sont des croyants ou qui se revendiquent de la sunna, etc. Des torts à différents niveaux. Et parmi les choses ajibes que j'ai entendues dernièrement, c'est quand j'étais en Algérie, elle dit, c'est parmi nos frères, on ne citera pas de nom, parce que le cours est enregistré entre nous, le but c'est pas de citer des noms, mais c'est un frère, machallah, que moi je connais en bien. Alhamdulillah. Et les frères que je connais en Algérie, les tullab là-bas, etc., ils me disent que ce frère, mashallah, depuis qu'en Algérie, il voit du bien de lui, il voit qu'il est attaché aux durus des ulama. Le problème est que certains autres francophones qui habitent là-bas, ils se moquent de lui, ils l'appellent le shir. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à la science, il est attaché au... Vous imaginez ça? Alors que Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah, il dit quoi? Il dit, hein? من خصائص أو كما الذي سأل الذي من نعم من خصائص أهل السنة والجماعة الذي الفرقة الناجية ولا الذي ها الذي parmi les spécificités du groupe sauvé. Qui veut pas être sauvé de النار? Groupe sauvé. On parle toujours de groupe sauvé, mais ce groupe sauvé il a des caractéristiques que nous on doit chercher et avoir. C'est pas comme ça que tu rentres dans le jannah. C'est pas comme ça que tu es protégé de النار. Il a dit حرصهم على جمع العلم الشرعي. Leur ardeur, le mot, leur diligence, حرص, à regrouper, à prendre la science légiférée, la science de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. De son frère, نحسبه كذلك, ولو زكي على الله أحدا. Ce qu'on a vu de lui, quand on le connaissait à certains endroits, je vois que certains qui rigolent là, hein, parce qu'ils voient de qui je parle, hein, que, alhamdulillah, on connaît celui, masha'Allah, le frère, Doros, masha'Allah. Il va chez les mechir, il se trouve chez les mechir, la même chose, alhamdulillah. Les mechir sont là, c'est encore mieux que les frères qui sont ici. Nous, on est juste traducteurs. Le frère, mashallah, il s'attache, etc. Et certaines personnes qui se revendiquent de la sunna, ils se moquent de lui pour cette caractéristique qui est noble et qui est légiférée. Alors, est-ce que nous, on va faire partie de ces gens-là qui sont bas, hein, et qui sont arrivés à ce degré-là où ils se moquent de quelque chose qui est noble, que même parmi l'awam, ils le respectent. Ça, ou là, l'awam, ils ne respectent pas Talib Ilm. Bien sûr qu'ils respectent Talib Ilm. Et c'est ça l'avantage aussi de voyager, d'aller voir chez le Mashiach quand j'étais en Algérie le dernièrement. Hani que, subhanallah, c'est un rappel. On est arrivé au das de Cheikh Azhar Hafidahullah, Sniqra. C'était le mardi après le Mughrib. Il fait Sahih al-Bukhari. MashaAllah. Regardez le livre déjà qu'il enseigne. Le Cheikh, MashaAllah, il enseigne le hadith, hein, partie par partie, etc. À la fin, il rapporte les faoïdes, etc. Nous, on est arrivé alors pour la mosquée, mais en général, le frère à qui j'étais, en général, il essaie d'arriver longtemps à l'avance pour avoir de la place, parce qu'il y a du monde. On est arrivé alors pour la prière. J'étais au dernier, pour le dar, j'étais au dernier rang avant le mur du fond. Et il y avait du monde derrière la porte, il y avait du monde en haut, en bas, etc. etc. Ça, c'est un dars quoi? Un dars usbu'i, comme on dit. Un dars hebdomadaire. C'est pas une dora. Ici, dans les doras, on voit des fils jusqu'à. Hein? Et après. Sahoulala. Ça, c'est un dars hebdomadaire. Le masjid, il y avait pas de place. On était vendredi après l'asr, on était chez Cheikh Nourdin Yittou, un jeune Cheikh, mashallah, un élève de Cheikh Firkous. Il fait de très bons livres. Le vendredi après l'asr, il fait l'adab sharia de l'mawardi, si je ne me trompe pas. Et le samedi après l'asr, il fait Dour al-Bahiyya dans le fiqh. Hein? Et donc, encore une fois, on est arrivé alors pour la prière, parce que j'étais là pour quelques jours, donc on avait d'autres choses à faire, j'avais certaines assises avec le mashir, etc. Donc on est arrivé alors pour l'asr, on assistait au dars dans les escaliers. Il y a certains frères qui assistent au dars de Cheikh Lazar al-Bukhari, le dars est après le Maghreb, ils sont là, tohr. Je les ai vus de mes propres yeux. Ils sont là à tohr pour avoir leur place devant le shir. Bien sûr, ils ne vont pas perdre leur temps. Regardez, c'est ça que je veux. C'est des exemples concrets qu'on peut nous comprendre, etc. Par rapport à cette diligence, cette ardeur. Hein, le dhuhr, pour être pas à l'heure, pour être à l'avant, c'est pour être devant, juste pour être devant le shir. Parce que la meilleure place, évidemment, c'est devant le shir. Et c'est là-dedans qu'on doit être quoi en compétition. C'est pas celui qui est le meilleur à Hadi ou la Kada ou la. Ça ou là là. Allah al-musta'an. Alhamdulillah, j'ai eu aussi la grande joie de pouvoir assister à un dars de Cheikh Yahya Sharif, qui est un muqri là-bas. Quel est dit qira'at, il a dit qira'at le kubra, il les a, etc. Donc il a accepté, on lui a demandé, on a dit, parce que le frère avec qui j'étais, c'était un de ses élèves, on a demandé poliment s'il pouvait assister au cours, parce qu'on était juste des visiteurs, on n'a rien à voir avec le dars en tant que tu n'avais pas des élèves. Le cheikh, il a accepté, il nous a fait rentrer dans la classe, etc. Et le cheikh, il corrigeait les dix qira'at sans livre, comme ça. Les gens dans la classe, ils lisaient, hein. Chaque élève, il devait lire le Coran et chaque fois, il devait faire les 10 qira'at qu'ils ont appris. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ils suivaient le Chatibia, etc. Bref. Hein? C'est ça, parce qu'ils se basent sur le Chatibia plutôt que ce que j'ai dit, d'accord? Et donc, le Cheikh, il n'y avait pas de livre. Il était corrigé comme ça. Hifdhan, etc. C'est pas dans ce genre d'assises qu'on veut se retrouver. Hein? C'est pas comme ça qu'on veut être entre nous, Annie. Comment tu connais, comment je connais, etc. Viens, on s'entraide, etc. Ah, lui, tahfad de deux jours, attends, je vais te rattraper. Kada hadith, hein? Tahfad de combien de hadith? Ah, tu connais 100 hadith? Ah, machin, moi je vais essayer de te rattraper, kada, hein? C'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on doit être. Et quand vous voyez, Annie, parmi les salafis que moi j'ai connus qui étaient dans Talab al-Ilm, etc., Annie, majoritairement ils étaient hufad, déjà. Ça, c'était une base, un acquis. Parmi les frères algériens avec qui j'étais en Jordanie à l'époque, etc. Yani, moi d'entre eux, il avait la moitié. Il me disait, dans deux mois, je finis, Inch'Allah. Il me dit, hein? Et certains, ils avaient plusieurs kira'at, ils avaient dire plusieurs ijazat, etc. Et c'est un des plus jeunes, il était beaucoup plus jeune que moi, d'ailleurs, frère Ali, que j'aime beaucoup, Hanif Allah Azzawajal. Il avait 23 ans. Et c'était déjà un vétéran. Il avait déjà fait Cheikh Mokhbil au Yémen. Il avait déjà. Et quand je parle de ces frères-là, c'est des frères qui à l'époque, ils n'avaient pas de moyens. Si vous faites un budget dans votre tête, combien vous imaginez? Des milliers et des milliers d'euros, ça, oh là là. Le frère, quand j'ai rencontré, il est arrivé là-bas, il avait exactement ce qui correspond actuellement à 20 euros en poche. Il est à pied, il est parti d'Algérie. Il a fait Yémen, il est resté là-bas. Et quand il est arrivé aujourd'hui, moi je l'ai vu, moi je sais, il avait 20 euros en poche. Je le connaissais très bien, j'étais tout le temps avec lui, il avait 20 euros en poche. Et il avait le sourire, hein, pas comme nous. Les poches sont remplies, mais Allah nous ta'an. Jusque, hein, ça ou là. Mais Talab, frère, il avait déjà 2-3 qira'at. Et moi, c'est avec ces frères-là que j'ai beaucoup appris et qui m'ont pris sous leurs ailes, comme j'avais déjà raconté plusieurs fois, et qui m'ont appris cet esprit comme ça de Talab. Ils sont pas là pour jouer ou pour. Comme un frère qui avait été à Médine, il avait rencontré des frères algériens du bled. Il a vu qu'ils étaient très très sérieux. Vraiment très très sérieux. Il a dit, comment ça se fait que vous êtes comme ça, etc. Il a dit, un des frères, il a dit, écoute, nous on est ici, on n'a pas de carte de résident, on peut partir du jour au lendemain. Nos parents, pour nous, c'est, nous normalement, on est une ressource pour nos parents, parce qu'on est censé travailler. Donc s'ils ont sacrifié ça pour nous, hein, pour nous, pour qu'on puisse club l'aim, etc., on n'a pas de temps à perdre ici. Et donc on prend le maximum avant de retourner dans notre pays. C'est comme ça qu'on veut être. Évidemment qu'ici c'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a les. On est en Europe, on est en Occident, etc. Le style de vie est différent, etc. Il y a moins de rappels, il y a beaucoup plus il y a des obligations, il y a le contexte, etc., etc. Mais justement, on doit gérer encore plus. Et on doit demander à Allah Azil Tawfiq. Qu'au moins on fasse des livres de base. Yani qu'un salafi, par exemple, il ne connaisse pas au Sultan Al-Ata, c'est pas normal. Sarahatan, c'est pas normal. Qu'ils ne connaissent pas Usul Talata au moins par cœur, c'est pas normal. Et qu'il ait au moins lié un livre, un charah d'un savant. Ça ou là? Des livres de base comme ça, Arba'in Nawawi, il y a 42 hadiths, c'est pas beaucoup. 42 hadiths. Même s'il fait un hadith par semaine. Moi j'ai connu des frères, ils l'ont fait dans deux jours. Et il y a certains de nos frères qui ont fini le Coran en Europe, qui ont fini des hadiths, qui ont fini pas mal de livres, etc. En Europe c'est possible, c'est pas impossible. Mais en général, ce que je sais, moi, de ces frères-là, c'est des frères, ils sont sérieux. Ils ont toujours un maintenant en poche, ils ont toujours un mushaf, ils ont toujours un stylo, ils ont toujours quelque chose, etc. Et on a tous le temps. Si tu es dans le bus, au lieu de perdre le temps, écoute un dars, fais ton Coran, fais un matin, fais quelque chose. Ça, oh là là, si tu as une pause, fais quelque chose. Si tu as un petit temps de libre, tu es fatigué, etc., au moins écoute quelque chose. Mais toujours, toujours, toujours dans quelque chose. On est parti loin là, mais c'est important de rapporter des choses comme ça, c'est important de partager des choses comme ça. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de voir des frères comme ça, de voir un dars comme ça aussi rempli avec un shir, et de voir le style du shir aussi. Hein? Et le shir, il a posé une question qui était. Il y avait une petite attrape dans la question. Il a dit attention, il y a une petite attrape dans la question. Les frères, ils ont dit différentes réponses, etc. Jusqu'à un, il a trouvé le. Il lui a demandé son nom. Il a dit comment tu t'appelles toi? Il a dit kada kada. Il a dit alhamdulillah qu'il y a encore des abkiya. Dans notre communauté, il a dit. Il a dit, Nta tastahiqu hadiyatan. Il a dit, toi, tu as droit à un cadeau. Il a dit au frère qui est imam, il a dit, rappelle-moi après. C'est ça le tarbiyat, etc. Et le shir, d'ailleurs, quand on avait une assise avec lui privé, il nous a acquis vendredi matin, il a dit, je serai 15-20 minutes, pas plus, parce que je suis très occupé, il devait partir en Dora pour un voyage, etc. Et quand on avait fini, moi, j'avais calculé qu'on finissait en 15-20 minutes pour respecter le shir. Donc, dès que le truc, on a dit, on vous demande l'autorisation de partir, cher, il a dit non, restez. Il a dit, vous buvez le thé, etc., etc. Regardez l'adab de ma chère. Alors qu'évidemment, il a des choses très importantes à faire, et que c'est un cher, c'est un. Hein, et qu'il part en Dora, qu'il va voyager, etc., etc. Mais regardez l'adab. Et c'est ça, c'est sur ces gens-là qu'on doit prendre exemple, parce que ce sont des exemples vivants. D'autres chouurs, dès qu'ils nous ont vus, nous ont reconnus, parce qu'on était déjà venus il y a presque un an, etc. Ils disent, ah. Après, je vous dirai ce qu'ils ont dit, ça ne va pas enregistrer. Subhanallah, regardez le mecher. Donc, on était où? On a dit que. est arrivé aux enseignements, c'est ça? ما يستفاد من الآية أولا أن الخوف من أذى الناس بسبب الإيمان خوف من غير الله. La peur du tort causée par les gens en raison de la foi est une peur d'autre qu'Allah. Deuxièmement, وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله. L'obligation de patienter quant au préjudice subi sur le sentier d'Allah سبحانه وتعالى. دناءة همتي عفوا المنافقين. La bassesse de la résolution des hypocrites. Quatrièmement et dernièrement, إثباتُ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى l'affirmation de l'attribut de science à Allah le Très-Haut. Et avec ça, on a fini le cours d'aujourd'hui. وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.